radio adventiste Béthanie de Pétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par les paroles du Saint-Esprit. Frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. J'espère que vous avez tous passé une excellente semaine sous la protection de notre divin maître. Et aujourd'hui, nous parlons de la grâce de Dieu. Et le thème de cette journée d'adoration, c'est une grâce active. Et nous allons parler de la grâce de Dieu. Nous allons méditer sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ en ce matin. En passant, le premier texte, c'était Luc 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Je vous propose de débuter cette méditation avec une histoire que j'avais déjà racontée une fois ici. Il s'agit d'une série télévisée très populaire dans les années 80. Cette comédie avait un épisode particulier. Cet épisode dura plusieurs semaines. Chaque semaine, les téléspectateurs avaient les yeux rivés sur leur télévision, captivés par ce suspense qui dura longtemps. De quoi s'agissait-il? Quelqu'un essayait de voir l'acteur principal de cette série télévisée et cet acteur ne voulait pas le rencontrer parce qu'il pensait que cet homme voulait le tuer. Et à chaque semaine, c'était la même histoire. Cet homme faisait tout pour rencontrer l'acteur et l'acteur utilisait tous les subterfuges possibles pour fuir. Il fuyait. À chaque semaine, c'était la même chose. L'homme le cherchait et lui, il fuyait. Mais un jour, il n'arriva pas à fuir. Il se trouva face à face avec cet homme dont il avait si peur. Il s'écroulait sous la peur. Il allait passer parce que pour lui, cet homme le cherchait pour le tuer. Et pourtant, cet homme lui annonça une nouvelle surprenante. Il le cherchait tout simplement parce que quelqu'un de la diaspora lui avait donné quelque chose de valeur à lui transmettre. Il devait lui remettre cet objet de valeur en main propre. Voilà. C'était ridicule. Il a passé longtemps à fuir quelqu'un qui lui voulait du bien. Il fuyait un bienfaiteur. C'était ridicule. Mais malheureusement, nous autres aussi, nous tombons dans ce ridicule très souvent. Parce que nous fuyons un bienfaiteur. Et ce bienfaiteur que nous fuyons si souvent n'est pas n'importe qui. Très souvent, sans nous en rendre compte, nous fuyons quelqu'un qui nous veut du bien. Nous fuyons notre Créateur. Nous fuyons notre Rédempteur. Heureusement, il a toujours une grâce active qui nous cherche. Cette grâce continue à nous chercher jusqu'à ce matin. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu nous as permis d'être en ta présence ce matin. Alors que nous t'adorons, nous te demandons de nous parler en cet instant et de répandre ta grâce sur nous. Que ta grâce soit sur Béthanie. Donne-nous l'assurance d'être sauvés par grâce. Nous te prions ainsi. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, La Bible aussi nous parle d'un grand chef qui va à la recherche de quelqu'un qui se cachait. Nous allons considérer cette histoire avec les deux livres de Samuel. Le premier livre de Samuel finit avec la mort de Saül et de Jonathan. Le second livre de Samuel débute avec une autre série d'événements. D'abord, nous voyons David qui pleure la mort de Saül et de Jonathan. On nous parle de Saül, de David qui devient roi à Hébron et du fils de Saül, Ishbosheth, qui devient roi à Manaïm. Puisqu'il y avait deux rois, il éclata une guerre qui opposa deux camps. La maison de David avec son général Joab et la maison de Saül, Ishbosheth, le fils de Saül, et son général Abner. Au chapitre 3, nous voyons qu'Abner propose à David de faire alliance avec lui. Et malheureusement, juste après sa conversation avec David, Abner est lâchement tué, assassiné par Joab. Et au chapitre 4, on nous raconte l'histoire d'Ishbosheth lorsqu'il reçoit cette nouvelle de la mort de son général. On nous dit qu'il resta sans force. Il savait que c'était fini pour lui. Et au verset 7, on nous dit qu'Ishbosheth a été tué. Mais juste avant la mort d'Ishbosheth, il y a un petit paragraphe. Une petite parenthèse qui nous intéresse beaucoup. Nous le trouvons au verset 4 du chapitre 4 du second livre de Samuel. Il nous dit ceci. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jisréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Ça qui passait dans l'histoire, ça, c'est que les brillants courir que Saül à Jonathan mourir, Mephibosheth, qui était 5 ans, il était une nourrice. Nourrice l'a dit, ti petit ça, pape qui était venu prendre pour tuer lui, il prend pitié. Il dit l'a courir avec elle. Mais nous connaissons un petit qui a 5 ans, il commence à gagner un poids. Eh bien, Mephibosheth tombe dans mes nourrices là. Mephibosheth vient boiteux. Et ça, nous allons retourner sur l'histoire ça. Alors, au chapitre 6 du second livre de Samuel, on dit que David devient roi de tout Israël. Puisqu'Ishbosheth était mort, il n'y avait plus d'opposition. David régna sur tout Israël. Des années plus tard, il se passe quelque chose d'extraordinaire rapporté au chapitre 9 du second livre de Samuel. David, ce roi qui régnait sans opposition maintenant, posa une question. David demanda s'il restait encore quelqu'un de la maison de Saül pour qu'il lui fasse du bien. Tout le monde a dit, côté au cas où monde. Mais au voit un ancien serviteur maison Saül qui était relé Tsiba. Je mène Tsiba by David. David dit-lui comme ça. N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Est-ce que pas de monde dans la maison de Saül encore pour me faire ouais, bonté l'Éternel? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Nous revenons à notre histoire. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir. Fils d'Amiel à Lodébar. Rappelez-vous de ce nom. Lodébar. David fit venir Mephibosheth à lui. Là, Mephibosheth arrivé, il jetait face contre terre devant David. Alors, David dévoila son plan pour Mephibosheth. Et ce plan, nous le trouvons au verset 7 à 10 du chapitre 9 du second livre de Samuel. David lui dit, « Ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te donnerai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Alors, le roi appela Tsiba, il lui dit, « Eh bien, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. On nous garde ensemble ça qui passe là. David songeait à l'alliance que le fait avec Jonathan. David demandait, est-ce que pas gagné un monde? Non, mais donc ça a eu tout vous pour faire un bien envers lui. Et puis, je viens parler de Mephibosheth. Mais côté Mephibosheth, Mephibosheth est un côté orélé, l'eau déborde. Lodébar, c'était une ville de l'ancien Israël qui était trouvée non loin de Manaïm, au nord de la rivière de Jabok. Son nom qui est dans la Bible. Mais nous ne pouvons pas chanter de l'organiser organiser une église pour l'église adventiste du septième jour, Lodébar. Il n'y a pas de faire bagaille comme ça. Parce que si on t'a fait, parce que l'église nous a dit, ah, n'oubliez pas de parler parce qu'il n'y a pas de faire l'église dans ça. Pour ça. Lodébar, c'était signe de un bagage qui sans valeur. Lodébar, c'était signe un côté qui n'a rien qu'une valeur. Et Lodébar signifiait pas de pâturage, pas de mots, pas de communication. C'est un bon côté pour les gens qui voulaient cacher. Pour les gens qui ne voulaient en communication avec personne, ils ont fourré tête. Et Mephibosheth avait une raison pour être à Lodébar. Mephibosheth, certainement, pas voulu retrouver en présence de ce roi David que généralité a détruit toute la maison de Saül, qui c'était le grand-père de Mephibosheth. Et Mephibosheth, tu es à Lodébar. Et dit Lodébar, tu es signifié pas de pâturage. Et dans tout ça, jusqu'à aujourd'hui, les hauts d'un côté, pas de végétation, pas de pâturage, pas de manger tout. Le débat, c'est donc causé, moun tap, c'est donc côté, moun tap passé misère. Et si vous voulez prendre un proverbe créole pour me dire ça que t'as passé à l'eau débat, eh bien, le débat, moun tap bat de l'eau pour faire bien. Mais Mephibosheth tap bat de l'eau pour faire bien. Et proverbe créole, ça merveilleuse. Merveilleux pour qui ça? Parce que bat de l'eau pour faire bien avec tout, pas j'aime régler un yé. Pour qui ça? Ou pas qu'à faire de l'eau à bien? Moune qu'on fait de l'eau à bien? Moune qu'on fait bien à de l'eau? Ou mettre bat de l'eau à pendant 100 ans? Ou pas chan faire bien? Son moune c'est de l'eau à ou faire bien? Ça veut dire pas régler rien? Ou pas chan régler rien? Ça veut dire Mephibosheth son moune qui était dans misère. Mephibosheth son moune qui était dans Dieu. Et vous savez, David te gagne une très bonne raison pour tuer Mephibosheth. Et Mephibosheth a une très bonne raison pour la suivre David, pour le cacher bien fond le débat. Pour qui ça? C'était la coutume à l'époque pour que les gens parvenus à la royauté, pour que le roi ça lui détruit tout descendant de l'autre roi qui t'a constitué une menace pour régner. Eh bien, c'était bien le cas pour Mephibosheth. Mephibosheth, c'était petite Saül. Mephibosheth, c'est famille Ishbosheth qui t'a roumé avec David. Donc, normalement, David t'a gagné une raison valable pour éliminer Mephibosheth qui te représentait une menace pour son royaume. Mais David ne l'a pas fait. David a agi autrement. David a pris Mephibosheth de l'eau des bords, lieu sans communication, lieu côté paris parole, nous ne pas parler, il vient mettre Mephibosheth non présence. David prend Mephibosheth, l'eau des bords, côté paris pâturage, côté misère, côté mon abat de l'eau pour faire bien, il vient mettre sous ta boire. Mephibosheth passait de l'eau des bords au palais. Et c'est le titre du message de ce matin. De l'eau des bords au palais. Mephibosheth est ainsi passé de la misère à l'abondance. Mephibosheth est passé de l'isolement à la présence du roi et des grands du royaume. Mephibosheth est passé du mépris aux soins intensifs. Nous sommes à David, non seulement David mettait Mephibosheth pour tabli, David prend Tibal Doubral, travail pour monsieur. Donc Mephibosheth vient dans soins intensifs. Il sorti dans mépris, il vient dans soins intensifs. Mephibosheth t'a caché parce que le connu David était peur, il était peur mourir. Eh bien, Mephibosheth passait de la crainte de la mort à l'assurance d'une vie de paix, à l'assurance d'un avenir fait de paix. Mephibosheth est passé de l'eau des bords au palais. Il ne le méritait pas. David a fait grâce à Mephibosheth. Mais vous savez, David est un homme. Donc sa grâce était limitée. Cependant, la grâce de David donne une petite idée de la grande grâce de Dieu pour nous. La grâce de David peut illustrer la grâce de Dieu pour nous. En ce sens, on peut dire que la grâce de David est un type de la grâce que Jésus a manifestée envers nous. Considérons ceci. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tous méritent la mort. Nous méritons la mort. Nous représentions une menace pour le royaume de Dieu. Nous méritions d'être éliminés, d'être tués par notre Créateur. Mais vous savez, c'est pas ça que Jésus fait. Mais David voulait chercher Mephibosheth. Mais Jésus lui-même, c'est pas vous il voulait chercher nous. C'est ciel la même qui descend pour le sauver. C'est Jésus même qui est le ciel. Lui descend, lui vient porter grâce pour nous. Jésus descend. C'est pour cela que le premier texte du jour a toute son importance. Luc 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher ceux qui sont loin de lui. En venant nous chercher, il sait aussi où il veut nous amener. Jésus m'a dit nous l'avons venu chercher nous pour ne pas dire nous côté libre à la vie. Nous songez, David fait Mephibosheth passer de l'eau des bords au palais. Jésus lui-même, lui gagnait un palais que lui mener nous la donne. Et c'est ça le deuxième texte que nous te lions dit, Ephésiens 2, verset 4 à 7. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire, les nous accepter que Jésus-Christ est venu chercher nous accepter grâce à, eh bien, en Jésus, nous avons représenté dans le ciel là. Jésus chita dans le ciel là, la intercédé pour nous. Mais plus encore, Jésus très bientôt, il veut sauver nous pour nous chita avec côté Kounia lui-même la intercédé pour nous. Donc, Jésus voulait faire nous passer de ce monde au palais. pas le palais de David, mais ce palais qui est décrit à la fin du livre de l'Apocalypse. Ce palais qui est si difficile à décrire, tellement il est merveilleux. En Jésus, Dieu veut nous faire asseoir dans les lieux célestes, dans son palais. Jésus est venu nous chercher, il est venu nous sauver, il veut nous faire asseoir avec lui dans son palais, mais il y a un problème. Un problème pour nous résoudre. Mephibosheth était un problème, il était un problème, le débat. Semblait tout, nous avons un problème pour le débat. En analysant la situation de ce monde, il semblerait qu'il existe un vaste lot de bords spirituels et modernes. Où t'as semblé monde ça, c'est un gros lot de bords spirituels modernes. Et nous devons résoudre le problème de lot de bords ça pour nous aller dans le palais Jésus. Qui sont ces habitants du lot de bords spirituels et modernes? D'abord, nous avons ceux qui se réfugient dans le monde et les choses de ce monde. Certaines personnes refusent d'entendre parler de Dieu. Nous connaissons ces deux mondes qui disent qu'ils viennent l'église avec eux, les arrivés n'ont pas qu'à entrer l'église, dans c'est déjà pour eux. Ils n'ont pas capable. Je ne peux pas parler de frères et sœurs qui sont déjà pour eux, parce que je ne connais pas de place. Malheureusement, c'est place qui va gagner un problème, ça n'a pas résolu. Et pas de ça n'a pas parlé. Mais n'a parlé des mondes qui viennent, qui sentent l'église n'a pas place. Ils ont choisi vivre loin de la face de l'Éternel. Les mondes, c'est à cause de l'argent. Et c'est ça que fait. Apôtre l'a dit, à cause de l'amour de l'argent, certains se sont égarés loin de la foi. Et il y a d'autres, c'est plaisir monde là qui priorité. C'est les choses de ce monde qui priorité. Or, Jacques nous dit ceci. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Tout le monde qui n'a pas accepté Jésus, tout le monde qui décide d'être loin de Jésus, tout le monde qui décide, c'est le monde la priorité, c'est le plaisir du monde qui est priorité, eh bien, le monde ça, il est ennemi de Dieu. Et en tant qu'ennemi de Dieu, il n'a pas de communication avec mon Dieu. Et parce que vous n'avez pas de communication avec mon Dieu, vous avez une misère spirituelle. Nous songeons à la définition de débat, pas de pâturage, pas de communication. Des gens en misère spirituelle. Ou pas de communication avec mon Dieu, ou son monde qui le débat. Tout le monde sait, il y a le débat. Mais pas oublier le débat, c'est ton ville. Même si tout le monde le débat spirituellement dans son vide, il y a plusieurs quartiers là-dedans. Il y a l'autre groupe qui ont l'autre quartier le débat. C'est monde qui accepte une partie dans la vérité, hein? Mais comme l'autre partie dans la Bible, qui ne correspond pas avec la coutume, qui ne correspond pas à ça, vous n'avez rien entendu, qui ne correspond pas à l'intérêt, vous décidez, eh bien, c'est ça que vous voulez, vous apprenez. Moun sa yo dans l'autre quartier, le débat. Bon, l'autre quartier, encore dans une grande ville spirituelle moderne, ça qui c'est le débat, non? Ce sont ceux qui abandonnent l'Église. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. 1 Timothée 4, verset 1. L'histoire de l'Église est jalonnée d'abandon. Depuis les apôtres, c'est toujours les gens qui ont abandonné. Mais la Bible dit nous que phénomène ça l'a accentué dans les derniers temps. Quand pile monde qui l'église qui pas voulait rester, quand pile monde qui l'église parce que on va une communication à l'Éternel, eh bien, yo pas rester, yo a metté de yo. Ses frères et sœurs s'éloignent progressivement de Dieu jusqu'à rompre leur communication avec Dieu, plongeant dans une misère spirituelle. Encore une fois, nous retombons dans la définition le débat là, yo le débat. Gère moun, c'est intérêt personnel yo qui fait, yo te là, yo pas là encore. Gère moun, son mauvais expérience yo fait, y a le côté pour yo pas aller. Vous connaissez? Là, le côté pour pas aller. ou ka risquer faire des bagailles pour pas faire. Et l'on fait des bagailles pour pas faire ou tomber dans chaîne de bagailles ou pas supposé faire qui de plus en plus qui éloigne de l'Éternel. Moun sa yo non l'autre quartier le départ. Mais mon quatrième quartier. Il y a des gens qui pensent que nous avons un ciel là, mais là ou pas là. Nous connaissons les gens souffrent Haïti Dominicani. Chaque semaine, si nous prenons un ami par exemple, sur l'autre bord frontière, il y a un marché binational. Haïtien qui a traversé frontière, il y a le vent. Mais est-ce que nous pensons que les Alvans sont venus dominicains? Je ne sais pas de nous. Les Alvans sont venus dominicains? Mais pas dominicains. Il y a le gros business Saint-Domingue. Dans la tête de Haïti, tout dans la tête de l'eau, retourner, venir vivre Haïti parce que c'est citoyen haïtien. Même Jean-Dominique en tout, il traverse ses frontières, il vient vendre service de terre, labourer terre pour agriculteurs dans le nord-est, il prend quoi, il retourne Saint-Domingue. Il n'est pas haïtien, il vient Haïti. Il vient de gros business Haïti. Malheureusement, il y a des gens qui apparemment là, mais son transaction est venue faire là. C'est la paix, il y a un live, il y a un live, il y a un téléphone. Parce que même là où vous venez là, il y a profondément l'eau des barrières. Il y a profondément l'eau des barrières. Parce qu'ils ne sont pas vraiment des citoyens du royaume des cieux. Ils ont venu parce qu'ils cherchent un bagaille. Ils viennent faire ça, ils viennent faire une transaction à l'Éternel. Et que mon tout, vous connaissez la même histoire de mon calvante, mon qui va le vendre dans le marché, vous connaissez? Et que si mon 12-13 ans, pas quitter lui, il prend le même endel, il va marcher dans la bonne navette, il va faire, mais si mon ça, il va filer le devil de l'autre bois. Mais, il va le vendre. C'est même gens tout, il y a des gens, c'est mon qui va accompagner. Mon ça, il tout, yo, nous, bon. Et nous, l'autre quartier qui est tout près, quartier ça. Il y a des gens qui là l'église. Non. Et puis, brusquement, les choses là ont viré. Les choses ont changé. Et ça fait des fois, il y a des jeunes qui levent l'église. Non. Et puis, brusquement, ils sont distants. Ou à marcher là où rencontrer, ou pas nous m'envie ça avec vous même. Il n'y a pas besoin de monde qu'on a fait. Nous sommes le débat, il y a caché le débat, nous n'avons pas besoin de faire, nous n'avons pas besoin de monde qu'on a fait, nous n'avons pas besoin de monde qui mêle dans la ferme, nous n'avons pas besoin de monde qui mêle dans la ferme qui a réglé. Vous savez, c'est une grande tristesse à l'église pour les dirigeants de l'église de voir leurs enfants s'en aller à l'eau débat. Et il y a quelques années, tu as gagné un jeune qui te font erreur, qui t'a pas obligé de prendre sanction contre lui. Et puis, quand l'ancien est rentré dans sa Christian, il dit, ah, nous prenons coup. Dans l'expression, nous prenons coup et nous prenons coup vrai. Pour ça, je vais dire pour ça. Pour les jeunes qui ont vécu dans la par exemple, les gens activité jeunesse là, les dimanches. Gon ancien là, premier ancien. On va venir chita là bien vague la garder commission nomination qui dans tête. Parce que la garder qui ti moun qui a progressé, la garder qui talent pour que la commission nomination li connait qu'est-ce pour proposer dans qui poste. Ou bien qu'a par exemple tout année dernière nous t'a jeune yo tout monde. Et puis gon moment crivé moi même à frère Martin nous chita, n'a parlé de nos jeunes. N'a pas gardé ti moun yo noue qui a des talents qui ka utile à l'église. N'a pas gardé, n'a pas dit, dans quelques années, jeune sa mi kote n'ta remi wel. Dans quelques années, jeune sa n'ta remi wel. C'est pour ça. L'entendez. Jeune sa yo n'a pas gardé. Nous voulons chéri pour noue yo à monter dans l'église. Noue yo tout à coup, yo prend l'autre chemin. Tout à coup, y'a bin distant. Tout à coup, où est vent viré, tout à coup, où est pas d'intérêt, où est-ce pour l'église encore, eh bien, nous prenons coup. Parce que nous-mêmes qui là, nous prenons aller, nous devons les saisons, les différentes saisons de la vie, je veux dire, eh bien, mon moment privé, c'est nous qui prenons place là. Malheureusement, il y a des gens qui font et ouais ça et yo tout yo le débat et gen moun tout qui là qui le débat qui va même comme ça c'est même gens avec drap perdu et de 15 ans son objet qui perdu dans kaila pas comme s'il perdu et bien gen moun qui pense au l'église là mais parce que pas dans quelle communion à l'éternel yo même tout yo le débat mais heureusement pour les pécheurs que nous sommes la grâce de Dieu a été et est toujours très active et ceci jusqu'à la fermeture de la porte de la grâce avant le retour de Jésus-Christ. Et cette grâce active nous cherche. La grâce cherche les enfants de Dieu perdus. C'est la même voix qui appelait Adam et qui lui demandait au verset 9 du chapitre 3 du livre de la Genèse, où es-tu? C'est la même voix de l'Éternel qui parlait à Caïn dans Genèse chapitre 4 verset 9 et qui lui demandait, où est ton frère Abel? C'est la même voix qui avait envoyé Nathan parler à David pour lui dévoiler son péché avec Bathsheba. Cette même voix a continué à appeler tout au cours de l'histoire. Cette même voix a continué à appeler tout au cours de l'Ancien Testament, mais cette même voix s'est manifestée de manière majestueuse, mystérieuse, avec l'incarnation de Jésus-Christ. Alors que nous ne méritons pas, Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Aujourd'hui, Jésus-Christ a cherché nous encore. Pour faire nous bénéficier de sa grâce. Il nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La sœur Ellen White nous dit ceci dans les paraboles de Jésus. Quelle assurance nous est donnée de l'empressement de Dieu lorsqu'il s'agit d'accueillir le pécheur repentant. As-tu choisi ce qui te plaisait? T'es-tu éloigné de Dieu? Eh bien, cette voix qui parle depuis si longtemps à ton cœur, mais à laquelle tu n'as pas voulu prêter l'oreille, s'adresse à toi, clair, distinct, debout et en route, car ce n'est plus ici une terre de repos. La voix de l'Éternel nous dit aujourd'hui, debout, le débat par côté pour rien. Et cette grâce nous réhabilite. Lorsque nous nous laissons trouver par cette grâce, elle nous réhabilite. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses étaient devenues nouvelles pour Mephibosheth qui était passé de Lodébar au palais de David. Mais pour celui qui passe du Lodébar de ce monde au palais de Dieu, encore plus, toute chose devient nouvelle. Et cette grâce, lorsqu'elle nous réhabilite, elle nous indique la voie hors du péché. Elle nous indique la voie pour sortir du péché. Elle nous indique la voie pour porter la victoire sur le péché. Vous savez, le Créateur voulait dès le départ que les hommes et les femmes qu'il avait façonnés par sa toute puissance pratiquent de bonnes œuvres. De même, il veut que ceux qui acceptent sa grâce pratiquent de bonnes œuvres. Et c'est ce que nous lisons dans Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et cette grâce sauve également. David avait sauvé Mephibosheth de la misère de Lodébar. Eh bien, Jésus nous sauve de manière plus puissante de la misère de ce Lodébar moderne par sa grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Éphésiens 2, verset 8. Je suis un bénéficiaire de la grâce. L'impact contre l'Éternel ne cache pas mon débat. Eh bien, me rencontrer l'Éternel, lui manifester grâce envers moi-même. Et l'être en tant que chrétien, chaque fois me tomber, et moi en vue retourner à cacher le débord, et bien plus encore, Jésus manifester grâce envers moi. M'apprendre jouir de la grâce du Seigneur. Et je peux vous le dire, il est doux, il est bienséant, il est merveilleux d'être sous la grâce de Jésus. Et cette grâce à laquelle j'ai goûté, j'aimerais la partager avec vous. Aujourd'hui, je vous offre la grâce de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez goûter de cette grâce qui cherche, de cette grâce qui sauve, de cette grâce active. Aujourd'hui, Jésus a une question pour vous. Que faites-vous encore à l'au-dehors, alors qu'il vous réserve les richesses de sa grâce? Que faites-vous dans la misère de l'au-dehors, alors que Jésus vous dit qu'il veut que vous soyez autour de sa table? Que faites-vous dans la fuite, dans l'isolement de l'au-dehors, alors que Jésus veut vous mettre en communication permanente avec lui? Que faites-vous encore à vos débats alors que Jésus veut vous faire passer dans son palais, d'abord par sa présence là-haut, et ensuite avec lui, lorsqu'après son retour, il nous emmènera passer 1000 ans au ciel avant de revenir régner sur une terre restaurée. Aujourd'hui, l'Éternel vous invite à considérer votre situation. Êtes-vous en communication avec lui? Avez-vous cette communication, ce niveau de communication qu'il désire avoir avec vous? Êtes-vous dans la misère spirituelle ou bien jouissez-vous des richesses du royaume de Dieu? Aujourd'hui, Jésus vous invite à vous questionner. À tous ceux qui n'ont pas encore pris la grande décision de se joindre à l'église du Seigneur, le Sauveur vous appelle à laisser le grand au-dehors de ce monde et à venir jouir de sa grâce. Il vous dit qu'il a laissé son ciel pour vous. Il vous dit qu'il est venu sur cette terre de misère pour vous sauver. Il veut nous faire asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. À ceux qui luttaient et qui, à un certain moment, ont fui à l'au-dehors, eh bien, Jésus vous dit qu'il frappe à votre porte aujourd'hui. Tout le monde qui était zélé dans l'église, tout le monde qui était actif dans l'église, tout le monde qui était commencé à jouir de la grâce de Dieu et qui a abandonné, matin, Jésus dit nous, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il vous invite à ouvrir la porte de votre cœur. Jésus n'entrera pas chez vous par infraction. Jésus par un brigand qui a forcé vous. Mais Jésus nous ouvre la porte, la mettez la table avec vous, ou la souper avec vous, la mettez vous dans son palais. Et tout le monde qui t'a assemblé à l'église et qui en réalité a caché le débord, Jésus dit qu'il voulait que nous vraiment dans son royaume à partir de ce matin. Jésus veut nous faire passer de l'au-dehors à son palais céleste. Est-ce que vous voulez passer à ce palais céleste? Cette terre n'est plus un lieu de repos. Ce l'au-dehors n'a rien à nous offrir. Ce monde n'a rien à nous offrir. C'est pour cela que nous allons prier ce matin. Nous allons prier avec Docteur Orcher. Nous allons prier pour nos jeunes. Nous allons prier pour ceux qui étaient actifs à l'église et qui malheureusement ont soit laissé tomber ou bien se sont refroidis. Nous allons prier pour nos jeunes. Nous allons prier pour tous ces enfants que Dieu était venu chercher. Nous allons nous mettre à genoux pour prier. Mais si il y a une personne qui aimerait venir nous rejoindre, qui aimerait nous rejoindre ici en ce matin, alors que nous allons prier, nous vous attendons. Nous aimerions nous mettre à genoux avec vous et prier le Seigneur avec vous. foi. J'invite Dr. Archer à s'avancer. Nous allons prier. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait venir prier avec nous? Venez donc. Le Seigneur vous offre sa grâce. Venez, vous tous qui languissez dans la misère de l'eau des bords. Et alors que nous allons prier avec les enfants de l'église, alors que nous allons prier avec les fils et les filles de l'église, s'il y a ici quelqu'un qui n'avait jusqu'à présent pas fait le bon choix, celui de se joindre au royaume du Seigneur, nous voudrions également prier pour vous. Venez donc, la grâce du Seigneur vous appelle. Nous voulons prier avec vous. Nous allons nous mettre à genoux. Ceux qui veulent s'avancer peuvent s'avancer pendant que nous chantons ensemble. La voix du Seigneur m'appelle. Me voici. Je réponds, Sauveur fidèle. Me voici.